les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dieu, une des plus belles créations humaines, un personnage de ce magnifique roman qu'est la Bible. Autre magnifique roman, Belle du Seigneur, roman d'une passion, des moments grotesques de la passion. Si c'est une passion authentique, ça ne peut aller qu'à la mort. Qu'allez-vous tirer de cette conversation ? Se demandait, amusé, Albert Cohen. À nous, auditeurs, de répondre après avoir écouté le deuxième volet d'une série composée quelques mois après la mort d'Albert Cohen et diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 août 1982. Françoise Esteb, Jean Couturier. Albert Cohen. Belle du Seigneur. Les anges paléolithiques. Solennel parmi les couples sans amour, ils dansaient, deux seuls préoccupés, goûtaient l'un à l'autre, soigneux, profond, perdu. Béate d'être tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les hautes glaces des murs, élégante, émouvante, exceptionnelle, femme aimée, parfois reculant la tête pour mieux le voir qui lui murmurait des merveilles point toujours comprises, car elle le regardait trop. Mais toujours de toute âme approuvée, qui lui murmurait qu'ils étaient amoureux. Elle avait alors un impalpable rire tremblé. Voilà, oui, c'était cela, amoureux. Il lui murmurait qu'il se mourait de baiser et bénir les longs cils recourbés, mais non pas ici, plus tard, lorsqu'il serait seul. Et alors elle murmurait qu'ils avaient toute la vie, et soudain elle avait peur de lui avoir déplu, trop sûre d'elle. Mais non. Au bonheur. Il lui souriait et contre lui la gardait et murmurait que tous les soirs, oui, tous les soirs, il se verrait. Secoué dans son wagon-lit, il se reprochait d'avoir été une brute de l'avoir traitée de méchante. Après tout, si elle n'avait pas de sympathie pour le boss, elle n'y pouvait rien. Pas de sa faute, quoi. Elle avait du bon, allez. L'autre jour, chez le tailleur, elle l'avait si gentiment aidé à choisir le tissu. Elle s'y était vraiment intéressée. Elle dormait sûrement en ce moment, si mignonne quand elle dormait. « Dors bien, ma chérie », lui dit-il de sa couche remuante. Et il lui sourit, ferma les yeux pour dormir avec elle. L'orchestre tzigane stoppa, et ils s'arrêtèrent sans se détacher, tandis que les ordinaires, aussitôt séparés, battaient des mains, battaient en vain. Mais sur un regard de Solal, Imre, le premier violon marqué de variole, cligna un sourire complice, essuya ses sueurs et attaqua avec grandeur, tandis que les deux étranges, observés par les assis, repartaient en gravité d'amour, bientôt suivis par Imre fioriturant, à grands effets de manches flottantes, et tenant entre ses dents le billet de banque donné par Solal. Traînant derrière elle des serpentins lancés, lentes algues de toutes couleurs. Elle détachait parfois sa main pour ajuster sa coiffure et n'y parvenait pas. Oh, tant pis. Et puis son nez brillait peut-être, oh, tant pis, puisqu'elle était sa belle, puisqu'il lui disait. La belle du Seigneur, se disait-elle, souriant aux anges. Mais il ne parvenait pas à s'endormir. Et il se demandait si elle avait pensé à fermer le compteur du gaz. L'embêtant, c'était qu'elle allait être seule dans la villa, rien qu'avec une femme de ménage le matin, puisque Mariette ne reprendrait son service que dans un mois à peu près. Et il n'y avait pas que le compteur du gaz. Il y avait les verrous de la porte d'entrée qu'elle oublierait sûrement de pousser le soir avant de se coucher. Et puis ses vitamines du matin. Elle ne penserait sûrement pas à les prendre. Oh, que de soucis. Joue contre joue, elle et lui se créent lentement virant. Oh, elle, murmurait-il, elle, tous les charmes alpinistes de l'Himalaya en mer et écossais, reine des bêtes de porcelaine. Oh, son sourire de demeurer lorsqu'elle était seule. Oh, ses allées venues dans sa chambre, la pointe des pieds en dedans pour s'humilier comme lui de ses ridicules jouissants. Céleste grimacière et bouffon d'elle-même, rêvassière dans son bain, amie de la chouette et protectrice du crapaud. Elle, sa folle sœur. Sa joue contre l'épaule de son seigneur, elle lui demandait de dire encore, les yeux fermés, bien heureuse d'être connue, mieux que d'elle-même connue, moquée, louangée par ce frère de l'âme, le seul au monde qui la connaissait. Et c'était cela l'amour adorable, l'amour d'un homme. Rejetant la tête en arrière, elle s'aperçut qu'il avait des yeux bleus et verts, piqués de points d'or, si lumineux dans le visage hâlé, des yeux de la mer et du soleil, et elle se pressa contre lui, reconnaissante de ses yeux. En mission officielle, nom de Dieu, avec les indemnités afférentes, nom de Dieu, y compris les indemnités de climat, nom de Dieu, et tout à l'heure l'hôtel Georges V, nom de Dieu, standing de diplomate, nom de Dieu. Dès l'arrivée à Paris, lui téléphoner pour les recommandations, compteur du gaz, verrou, volet, vitamines, etc. Non, pas dès l'arrivée, il risquerait de la réveiller. À 11h seulement, d'accord. Et puis, confirmer par lettre toutes les recommandations. Sur une feuille séparée, lui faire un tableau des choses à ne pas oublier. Avec numéro et soulignage en rouge, un tableau qu'elle accrocherait dans sa chambre. Ou bien lui conseiller d'aller dans un hôtel chic, jusqu'à l'arrivée de Mariette. Le Ritz, par exemple. Tant pis pour la dépense. Comme ça, pas seule dans la villa, pas de risque d'oubli des verrous. Non, pas le Ritz. Elle risquerait d'y rencontrer le boss, elle ne l'avait pas à la bonne, elle serait capable de ne pas le saluer. Murmure de leur amour en cette danse. Oui, tous les soirs de leur vie, approuvait-elle, et elle souriait aux délices de se préparer pour lui tous les soirs, en chantant se préparer et se faire belle pour lui, au prodige de tous les soirs, l'attendre sur le seuil et sous les roses, en robe exquise et nouvelle, l'attendre. Les soirs baiser sa main lorsqu'il arriverait, si grand et de blanc vêtu. Belle, lui disait-il, redoutable de beauté, lui disait-il, solaire, auréolée aux yeux de brume, lui disait-il, et contre lui il la serrait, et elle fermait les yeux, ridicule, pleine de grâce, charmée d'être redoutable, grisée d'être solaire. Décidément, j'arrive pas à m'endormir. C'est ce gratin, j'en ai trop pris. Le téléphone à 11h. Pas avant, pas risquer de la réveiller. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Soirée très réussie, tu sais. D'abord donc le dîner. Caviar et ainsi de suite. Enfin, si tu veux, je te dis le détail. Donc, caviar, gratin de langouste Édouard VII, caille confite, gigue de chevreuil chasseresse, crêpes fourrées Ritz, enfin quoi, tout du super fin. Livrée dans les bras de miracles tournoyantes, elle lui demandait à quelle heure il arriverait le soir. À 9h, disait-il, penché pour la respirer, et elle approuvait. Elle ne savait pas qu'elle mourrait. 9h. Quelle merveille. À 9h, il serait là, tous les soirs de leur vie. Donc, un long bain, 8h, et puis, vite, s'habiller. Oh, tâche charmante de se faire belle pour lui, élégante pour lui. Comment était-ce possible tout à l'heure lorsqu'elle était arrivée, les deux mots affreux qu'elle lui avait dit? Et maintenant le seul existant. Lui demander pardon des deux mots affreux, non, trop difficile, on n'en sent pas maintenant, plus tard. Et alors lui expliquer. Lui expliquer quoi? Oh, tant pis, le regarder se noyer dans ses yeux. Du gratin et de la caille, j'en ai mangé un peu trop. Chevreuil aussi. Et au fond, du caviar aussi. Mais c'était pour lui montrer que j'appréciais. Question courtoisie, tu comprends? Et puis, ça faisait occupation quand il parlait pas. Et puis, surtout, il y a eu que lui mangeait presque rien. Alors, ça me faisait mal au cœur de penser que les garçons allaient remporter ses plats à moitié pleins, des plats tellement bien présentés et tellement abondants, tu sais. Oh là là, la caille confite. À l'intérieur, il y avait une farce toute noire de truffes. Tu te rends compte? Ça fait que forcément, j'ai trop mangé. Grave, il tournoyait dans la pénombre, soudain bleu. Elle tenant contre sa bouche la main de l'inconnu, fière de son audace. Quels arbres y avait-il à Céphalonie, demanda-t-elle. Fille de riche, dégustatrice des beautés de nature. les yeux ailleurs, il récita les arbres tant de fois débités aux autres, récita les cyprès, les orangers, les citronniers, les oliviers, les grenadiers, les cédratiers, les myrtes, les lentisques. Arrivé au bout de sa science, il continua, inventa des citronneliers, des tubas, des circassiers, des mirobolants et même des peupliers. Éblouie, elle aspirait l'odeur vanillée de ces arbres merveilleux. Oui, demain matin au téléphone, lui recommander d'être gentil avec le boss si jamais elle le rencontre. Écoute, chérie, si les Kanakis t'invitent, comme c'est plus que probable, puisque maintenant ils nous doivent un dîner, si jamais le boss est là à dîner, Kanakis, m'ayant dit qu'il a l'intention de l'inviter avec l'ambassadeur de Grèce, perd pas la boule, le Kanak, dis donc. Ne sois pas trop rébarbative avec le boss. Parle-lui un peu, enfin, même beaucoup, si tu peux. En tout cas, gentiment. Tu peux être charmante, comme tu veux. Parce que quoi, t'es parfaite avec moi. Je te garantis que d'ici un an, je suis conseiller. Une veine de cocu, quoi, sourit-il. Et il considéra avec amitié son grain de beauté au-dessus du nombril, puis se pelotonna dans son étroite couche, creusant du nez son oreiller et le savourant ainsi que son wagon-lit gratuit de première classe qui l'emportait vers des bonheurs officiels. Sur le podium, Imre transpirait et langourait avec conscience, tandis que le deuxième violon sollicitait mécaniquement à petits traits humbles que son supérieur amplifiait avec superbe menton relevé au moment exaltant. Tournoyante, elle murmurait qu'elle n'aurait pas le temps d'acheter des robes d'été à Genève. Et pourtant, dans cette île, il ferait très chaud. Il faudrait changer de robe au moins deux fois par jour avec un tel seigneur. Les robes des paysannes de Céphalonie vous iront très bien, dit-il. Elle l'admira. Cet homme savait tout. Réglait tout si bien. Nous en achèterons 36, dit-il. 36 robes? Oh, merveille, cet homme était grand. Comment sera notre maison, demanda-t-elle. Blanche, devant la mer, violette, dit-il. Et une vieille servante grecque s'occupera de tout. De tout approuva-t-elle. Et elle se serra contre lui. Émouvante de grâce, neigeuse et tournoyante, elle se regarda une fois de plus, dansant dans les hautes glaces où elle vivait superbement. Belle du Seigneur, si élégante en robe de paysanne à broderie rouge et noire, servie par une vieille grecque pieds nus, si gentille, dans une île si belle, toute de myrte, de lentisques et de circassiers. Prénom, c'est Abraham. Les Juifs donnent toujours deux prénoms. Un pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur. Alors Abraham, c'est mon vrai nom. Mon vrai prénom. Mais on m'a donné aussi un prénom circulable parmi les chrétiens, n'est-ce pas, Albert. Mais vous savez que les privilèges qu'ont tous les Cohen. Cohen veut dire prêtre en hébreu. Et le Cohen, c'est le véritable prêtre, ce n'est pas le rabbin. C'est toujours un Cohen qui bénit le peuple, parce que le Cohen est le descendant d'Aaron. Les Cohen sont les Aaronides. Et ils ont certains privilèges. Par exemple, celui de bénir le peuple. La bénédiction, c'est... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa grâce. Ça, c'est là. Et quand il bénit en faisant la mappa. Ceci, c'est les deux rayons qui sortent du front de Moïse. Le Cohen a droit sur toutes les prémices. C'est, d'après la Bible, les premiers fruits sont toujours offerts au Cohen. Et moi-même, il y a longtemps de ça, j'ai reçu un jour la visite d'un juif pieux qui est venu me donner, me racheter son premier-né. Parce que les premiers-nés appartiennent au Cohen. Mais le père peut le racheter en offrant une pièce d'argent. Le Cohen ne peut pas épouser une divorcée. Le Cohen n'a pas le droit d'entrer dans le cimetière parce que c'est un lieu impur, c'est un lieu de mort. Le Cohen guérit du scrofule, tout comme les rois de France. Et comme je vous dis, le Cohen est le prêtre. Et à la synagogue, il a comme servant religieux celui qui s'appelle Lévi, de la tribu de Lévi, qui lui offre les guerres où il se lave les mains. Le Cohen est le prêtre. Vous ne saviez pas ça? Cohen veut dire prêtre. Solal est entré dans le royaume des femmes parce que c'est un royaume philosémite. Parce que dès que elle tombe en amour, il est bien dans cette nation-là, dans la nation féminine. Il dit lui-même qu'il aurait tellement préféré aimer un homme, être ami d'un homme. Mais ça, il ne peut pas. On ne l'aime pas. C'est pour ça, moi, quand j'étais jeune, c'est pourquoi je me suis assez intéressé aux femmes, parce que là, je me sentais bien avec elles. Mes condisciples m'appelaient le roi mystère. Pourquoi m'appelait-il le roi mystère? Parce qu'ils étaient tout à fait épatés, parce qu'il y avait une très belle... Qu'est-ce que j'avais, 16 ans? Une très belle jeune femme qui était la grande cantatrice de l'époque à l'Opéra de Marseille, qui venait m'attendre dans une voiture de maître. Il n'y avait pas d'auto encore à ce moment-là. Alors ils étaient tout à fait épatés de voir Albert, qu'une belle jeune femme attendait. Et alors c'est là qu'ils ont pensé que c'était un mystère, cette belle dame qui venait m'attendre à la sortie du lycée. Dans une belle voiture à deux chevaux. En cette nuit, leur première nuit, dans le petit salon qu'elle avait voulu lui montrer, debout devant la fenêtre ouverte sur le jardin, il respirait la nuit diamantée d'étoiles. Écoutez les remuements ténus des feuilles dans les arbres, murmures de leur amour. Mains jointes et un sang de velours dans leurs veines, ils contemplaient le ciel sublime et leur amour dans les palpitantes étoiles bénissantes là-haut. Toujours, dit-elle tout bas, intimidée d'être chez elle avec lui. Alors de son bonheur complice, invisible dans son arbre, un rossignol entonna sa supplique éperdue, et elle serra la main de Solal pour partager le petit anonyme qui s'évertuait, s'exténuait, acclamait leur amour. Soudain, il se tut, et ce fut le silence nombreux de la nuit, avec parfois la sonnerie tremblée d'un crayon. Elle se détacha doucement, alla vers le piano, noble et ridicule vestale, car elle venait de sentir qu'elle devait jouer pour lui, sanctifier leur première heure de solitude par un choral de Bach. Assise devant les touches blanches et noires, elle attendit un instant, la tête baissée, respectueuse des sons qui allaient sortir. Comme elle avait le dos tourné, il saisit un miroir à manches d'argent posé sur le guéridon, considéra le visage d'un homme aimé, lui sourit. Aux dents parfaites de jeunesse, aux dents étincelantes, au bonheur de vivre, ô la jeune aimante et son ennuyeuse musique en offrande. Pieusement, elle jouait pour lui, et son visage était convaincu, visité. Sur le tabouret, tandis que purement elle jouait, ses hanches pleines et émouvantes, émouvantes, doucement remuantes, à lui, promises. Il la regardait, il savait, et s'en voulait de savoir. Savait qu'elle avait honte, bien que ne le sachant pas trop. Honte d'avoir dansé trop contre lui au Ritz tout à l'heure. Honte de son extase de départ avec lui vers la mer. Et il savait que dès leur entrée dans ce salon, elle avait confusément voulu un rachat. Rachat la contemplation du ciel, le toujours, le chaste serrement de main, alors qu'Ouritz s'y pressait contre lui, l'écoute respectueuse du rossignol, insupportable cliché et chanteur surfait. Rachat le choral pour purifier cet amour surgi, y mettre de l'âme, se prouver qu'elle était pleine d'âme afin de pouvoir goûter sans remords aux joies du corps. Après le dernier accord, elle resta immobile sur son tabouret, les yeux baissés vers les touches respectueuses des sons disparus. Après cet intervalle de transition, passage du céleste au terrestre, elle se tourna vers lui, lui donna sa foi avec un sourire grave, à peine esquissé. Un peu idiote, pensa-t-il. S'étant levée, elle résista à l'envie d'aller s'asseoir auprès de lui sur le sofa de soie fanée, déposa ses hanches sur un fauteuil et attendit un commentaire sur le choral. Dans le jardin, un pic noctambule auscultait. Comme Solal se taisait, car il détestait Bach, elle attribua son silence à une admiration trop vive pour être exprimée, et elle en fut émue. Intimidée par ce silence et parce qu'il était svelte et grand, si élégant de blancheur vêtu, elle croisa ses jambes, tira le bas de sa robe, s'immobilisa en position poétique. « Chérie, pensa-t-il, attendri par cette faiblesse et ce pathétique souci de plaire. Gêné d'être regardé avec vénération, il baissa les yeux et elle frémit en apercevant la cicatrice. Oh, baiser cette paupière, effacer le mal qu'elle avait fait, lui demander pardon. Elle éclaircit sa gorge pour avoir une voix parfaite. Mais il lui sourit et elle se leva. Enfin auprès de lui, enfin les points d'or si près, enfin le refuge de l'épaule, enfin tenue. Elle recula la tête pour le voir mieux, puis approcha son visage, ouvrit ses lèvres comme une fleur éclose, ouvrit pieusement, tête renversée, paupières mourantes, bienheureuses et ouvertes, sainte, extasiée. Fin du choral et du rossignol, pensa-t-il. Du solide. Maintenant qu'elle avait fait de l'âme, pensait-il, et il s'en voulut de ce démon en lui. Eh oui, bien sûr, si quatre incisives manquantes, il n'y aurait pas eu de toujours concentré, pas eu de rossignol, pas eu de chorale. Ou bien, si dents au complet, mais lui chômeur en guenille, pas eu non plus de toujours, de rossignol ni de chorale. Les rossignols et les chorales étaient réservés à la classe possédante. N'empêche, elle était sa bien-aimée, et assez, assez, maudit psychologue. Sur le sofa de soie fanée, sofa de tante Léry, bouches unies, ils goûtaient l'un à l'autre, les yeux clos goûtaient longuement, profonds, perdus, soigneux, insatiables. Elle se détachait parfois pour le voir et le savoir. L'adoration le contemplait, les yeux insensés, et en elle-même lui disait deux mots de la langue russe. De cette langue que par amour pour Varvara elle avait apprise et qui lui servait maintenant pour dire à un homme qu'elle était sa femme. « Tvaya Jena », lui disait-elle en son âme, tandis qu'elle tenait le visage inconnu entre ses mains. Puis elle se rapprochait et donnait. Cependant que dehors, un chat et sa chatte psalmodiaient, rauque, leur amour. « Tvaya Jena », lui disait-elle en son âme à chaque arrêt reprise de souffle. Lui disait-elle en son âme pour mieux sentir, plus humblement sentir qu'elle était sienne, sienne et dépendante, primitivement sentir, paysanne et les pieds nus et avec une odeur de terre, sentir qu'elle était sa femme et servante, qui dès la première heure s'était inclinée et avait baisé la main de son homme. Tvaya Jena. Et elle se redonnait. Ils se baisaient tantôt en hâtive furie de jeunesse, tantôt en élancement rapide et répété, tantôt en lent soin d'amour. Ils s'arrêtaient, se regardaient, se souriaient, haletants, humides, amis, et s'interrogeant, et c'était la litanie. Sainte stupide litanie, chant merveilleux, joie des pauvres humains promis à la mort, sempiternel duo, immortel duo par la grâce duquel la terre est fécondée. Elle lui disait et redisait qu'elle l'aimait, et elle lui demandait, connaissant la miraculeuse réponse, lui demandait s'il l'aimait. Il lui disait et redisait qu'il l'aimait, et il lui demandait, connaissant la miraculeuse réponse, lui demandait si elle l'aimait. Ainsi leur amour, en ses débuts, monotone pour les autres, pour eux, si intéressant. Infatigable en leur duo, ils s'annonçaient qu'ils s'aimaient, et leurs pauvres paroles les enthousiasmaient. Collés, ils souriaient, redemiriaient de bonheur, s'entre-baisaient puis se détachaient pour s'annoncer la prodigieuse nouvelle. Aussitôt scellé par le travail repris des lèvres et des langues en rageuse recherche. Lèvres et langues unies, langage de jeunesse. Au début, baiser des débuts, précipice de leur destinée, oh les premiers baisers sur ce sofa d'austère génération disparue, péché tatoué sur leurs lèvres, oh les yeux d'Ariane, ses yeux levés de sainte, ses yeux clos de croyante. Sa langue ignorante, soudain habile, elle le repoussait pour le regarder, bouche restée ouverte après le baiser, pour le voir et le connaître, voir encore cet étranger, l'homme de sa vie. « Ta femme, je suis ta femme. »« Vaya, Jena, » balbutiait-elle. Il faisait mine de s'écarter, elle s'agrippait. « Ne me quitte pas, » balbutiait-elle. Il buvait à la vie, à leur vie mêlée. « Oh début, oh baiser. » Au plaisir de la femme à la bouche de l'homme, suc de jeunesse, trêve soudaine. Et ils se considéraient avec enthousiasme, se reconnaissaient, se donnaient furieusement des baisers fraternels sur la joue, sur le front, sur les mains. Dites, c'est Dieu, n'est-ce pas ? Demandait-elle, égarée, souriante. Dites, vous m'aimez ? Dites, rien que moi, n'est-ce pas ? Aucune autre, n'est-ce pas ? Demandait-elle. Et elle donnait à sa voix des inflexions dorées pour lui plaire. Y être plus aimée. Et elle baisait les mains de l'inconnu, puis touchait ses épaules et le repoussait pour le chérir d'une divine moue. Au début, nuit des premiers baisers, elle voulait se détacher, aller là-haut dans sa chambre, prendre des cadeaux, les lui apporter. Mais comment le quitter, quitter ses yeux, ses lèvres sombres ? Il la prenait contre lui. Parce qu'il la serrait, qu'elle avait mal, si bon d'avoir mal, elle lui disait une fois de plus qu'elle était sa femme. « ta femme à toi », lui disait-elle, folle et glorieuse, tandis que dehors le rossignol continuait son imbécile délire. Bouleversé d'être sa femme, ses joues s'illuminaient de larmes. Larmes sur ses joues qu'il baisait. « Non, la bouche », disait-elle, « donne », disait-elle. Et leurs bouches s'unissaient en frénésie, et de nouveau elle reculait pour l'adorer. « Archange, mon attrait mortel !» lui disait-elle. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, souriante, mélodramatique et de mauvais goût. « Archange et attrait mortel, tant que tu voudras, » pensait-il. « Mais je n'oublie pas que cet archange et cet attrait mortel, c'est parce que 32 dents, mais je t'adore, » pensait-il aussitôt, « et loué soit mes 32 dents. » Au début... Jeune baiser, demande d'amour, absurde et monotone demande. Dis que tu m'aimes, lui demandait-il, et pour mieux prendre ses lèvres, il s'appuyait sur elle, s'appuyait sur une cuisse, et elle rapprochait aussitôt les genoux, se refermait devant l'homme. Dis que tu m'aimes, répétait-il, accroché à l'importante demande. Oui, oui, lui répondait-elle. « Je ne peux te dire que ce misérable, oui, » lui disait-elle. « Oui, oui, je t'aime, comme je n'ai jamais espéré, mais, » lui disait-elle, haletant entre deux baisers, il respirait son haleine. « Oui, aimer, je t'aime, autrefois, maintenant, et toujours ce sera maintenant, » disait-elle, rauque, insensée, dangereuse d'amour. « Oh, début, deux inconnus soudain merveilleusement se connaissant, lèvres en labeur, langue téméraire, langue jamais rassasiée, langue se cherchant et se confondant, langue en combat, mêlée en tendre haine, saint travail de l'homme et de la femme, suc des bouches, bouches se nourrissant l'une de l'autre, nourriture de jeunesse, langue mêlée en impossible vouloir, regard, extase, vivant sourire des deux mortels, balbutiement mouillé, tutoiement, baiser enfantin, innocent baiser, sur les commissures, reprise, soudaine quête sauvage, su qu'échanger, prends, donne, donne, donne encore, larme, larme de bonheur, larme bue, amour demandé, amour redit, merveilleuse monotonie. Ah, c'est beau, la marche triomphale de l'amour, c'est beau, ça. Oh, mon amour, serre-moi fort, je suis à toi purement toute, disait-elle. Qui es-tu? Qu'as-tu fait pour m'avoir prise ainsi, prise d'âme, prise de corps? Serre-moi plus fort, mais épargne-moi ce soir, disait-elle. Attention, je suis ta femme déjà, mais pas ce soir, disait-elle. Va, laisse-moi seule, laisse-moi penser à toi, penser à ce qui m'arrive, disait-elle. Dis que tu m'aimes, balbutiait-elle. Oh mon amour, disait-elle, bien heureuse et en larmes, personne, oh mon amour, personne avant toi, personne après toi. Va, mon aimé, va, laisse-moi seule. Seule pour être plus avec toi, disait-elle. Non, non, ne me quitte pas, suppliait-elle, en le retenant des deux mains. Je n'ai que toi au monde, je ne peux plus sans toi, suppliait-elle, égarée. Elle lui agrippait. Amour et sardiesse. Lampe soudain éteinte par lui, et elle, peur. Pourquoi? Et qu'allait-il vouloir? Saint apparut dans la nuit, douce clarté des seins, main de l'homme sur le sein luisant de lune, honte et douceur de la femme, ses lèvres entr'ouvertes en attente, peur et bonheur d'elle soumise, peur et douceur, visage penché de l'homme, hardiesse dans la nuit, hardiesse qu'amour commande, hardiesse acceptée par elle en abandon, livrée bientôt approuvant, oh, sérale, filée, salivée, les mêmes qu'à l'heure de sa mort certaine, oh, ses sourires d'agonisante, son pâle visage par la lune éclairée, vivante, morte, éblouie, à elle-même révélée, confuse et béate, ses mains errantes dans les cheveux de l'homme sur son sein penché, main finement caressante, accompagnant son bonheur, main reconnaissante, main légère qui remerciait, chérissait, voulait encore. Amour, ton soleil brillait en cette nuit, leur première nuit. Ma mère était effrayée à la pensée qu'il y a des femmes qui se montrent toutes nues et qui ne sont pas mariées. Et qui se montre toute nue. C'est affreux. Elle avait peur pour moi, parce qu'elle savait que je voyais une certaine dame, et elle se disait, mais ces dames-là, ça donne des coups de revolver. Par jalousie, elle me voyait déjà revolverisée. Vous ne pensez pas que d'une certaine façon, vous avez été un peu marquée quand même par cette éducation? Ma mère, oui. Oui, certainement, certainement. Moi, je crois en la religion juive. Il y a une chose, à l'exception, j'avais dit ça à ce rabbin qui m'a interviewé, j'ai dit, il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est l'existence de Dieu là-dedans. Mais autrement, une religion où... Une religion... qui a 613 ordres de ne pas faire certaines choses. Ça, c'est très important. Parce que on peut prétendre, on peut dire, mais le christianisme, c'est beaucoup plus beau, parce qu'il faut aimer. Seulement, cet amour du prochain, c'est quelque chose de si léger. Aimer, mais est-ce que celui qui aime tellement son prochain est capable de donner la moitié de ce qu'il a? Pourtant, c'est ça l'amour, donner au moins la moitié. Tandis que dans la religion juive, on se borne à dire que celui qui a doit donner la dixième partie de son revenu. Parce que ça, c'est net, c'est vrai. C'est pas seulement des sourires. Des messages dentaires, n'est-ce pas? Je t'aime. Et après, je garde toutes mes actions en banque. Je t'aime, mais tout mon avoir en banque, je le garde. C'est pas sérieux. Mais les 10%, c'est très sérieux. Et puis ne pas faire, n'est-ce pas? Ce sont des ordres, comment dirais-je, juridiques. Ne pas faire telle chose, ne pas faire telle chose. Ça, c'est très important parce que c'est vrai. Enfin, je ne veux pas vous convertir au judaïsme. Les chrétiens nous ont éloignés du Christ. Ils ont mis une barrière entre le Christ et nous. Mais quand vous dites nous, vous dites... Les juifs, c'est ça. Oui. Ce qu'il y a de juif chez moi, vraiment, pour moi qui suis agnostique, c'est la passion que j'ai pour la loi. Moi qui ne crois pas en Dieu, quand je vais à la synagogue et que la loi morale est promenée à travers les fidèles et que on pose la main sur la loi et puis on la pose à la bouche, je suis le plus sérieux et le plus croyant de tous les juifs qui, eux, croient en Dieu alors que je ne crois pas. D'ailleurs, Dieu c'est notre grande création, le Dieu d'Israël. C'est nous qui l'avons fait. C'est le grand personnage de ce magnifique roman qu'est la Bible. Il est la projection de l'esprit prophétique. Et je le prends au sérieux, bien que je ne crois pas en lui. Cela le dit souvent, ce Dieu en qui je ne crois pas, mais que je vénère. Parce que c'est une des plus belles inventions humaines qui ait jamais été faite. Une chose que j'aime chez les Juifs, c'est leur humour, qui est une défense contre le malheur. Une acceptation joyeuse du malheur. C'est aussi une arme redoutable chez vous, l'humour. Oui. Oui. C'est un peu l'arme de votre vengeance. Oui. Oui. Les pauvres, il nous faut bien une arme. Et elle n'est pas si méchante que ça. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 80 ans? Non. Ça vous ennuie beaucoup d'avoir 80 ans? Oui, parce qu'il ne me reste qu'une vingtaine d'années. Mais vous avez remarqué une chose, la hantise de la mort qu'il y a tout le temps. Même chez Mangeclou, qui est un personnage qui apparemment est tellement éloigné de la mort, cette envie du suicide, torturé par ça. Mais c'est un poète aussi, hein. C'est un poète. Oui, il a inventé... C'était la période la plus noire de ma vie, Mangeclou. C'était le temps de ma seconde femme, qui n'avait pas bon caractère. Et je m'en suis tiré de cette période noire en écrivant un livre gay. Ça aussi, c'est juif. Ça, c'est juif. Vous avez quand même un regard très, très dur pour la femme. Et je trouve que l'image que vous donnez de la femme est, dans une certaine mesure, une image un peu périmée. Parce que... Je sais. C'est non, quand mais... même volontairement caricatural. Mais elles sont comme ça. Non. J'ai un peu poussé un peu plus loin, mais elles sont comme ça. Elles sont comme ça, tout le temps. Elles se regardent dans la glace tout le temps. Mais vous avez connu une femme qui avait tous les défauts d'Ariane? Non, absolument pas. Donc c'est vous qui la voulez comme ça? Puis je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Oh mon amour, serre-moi fort. « Je suis à toi purement toute, disait-elle. Qui es-tu? Qu'as-tu fait pour m'avoir prise ainsi? Prise d'âme, prise de corps. Serre-moi plus fort. Mais épargne-moi ce soir, disait-elle. Ah oui, ça c'est des débuts. D'intention, je suis ta femme. Mais pas ce soir, disait-elle. Va, laisse-moi seul. Laisse-moi penser à toi. Penser à ce qui m'arrive, disait-elle. Dis que tu m'aimes, balbutiait-elle. Oh mon amour, disait-elle, bienheureuse et en larmes, elle est sympathique là. Personne, mon amour, personne avant toi, personne après toi. Va mon ami, Va, laisse-moi seul, seul pour être plus avec toi. Beau. Non, non, ne me quitte pas, supplia-t-elle, en le retenant des deux mains. Je n'ai que toi au monde, je ne peux plus sans toi, supplia-t-elle, égarée, à lui agrippée. Il y a de l'amour tout de même. Réveillé à 7 heures, il s'étira et sourit d'être chez lui de nouveau, dans son bon lit, tellement plus confortable que les lits d'hôtel. Un ami, quoi. Et puis toute garantie de propreté. Home, sweet home again. Et puis tout près, à quelques mètres, il y avait sa femme. Sa femme, nom d'un chien. Il la verrait bientôt et ils deviseraient ensemble, en ami. Oui, il lui raconterait encore de la mission. Il descendit prudemment, évitant le milieu craquant des marches, posant les pieds près de la rampe. Arrivé au rez-de-chaussée, il cligna de l'œil à son imperméable pendu dans le vestibule. Ah, nom d'un chien, la belle vie qui recommençait. Aussitôt entré dans la cuisine, il mit la bouilloire sur le feu, se frotta les mains, fredonna un air de Mozart. Par un doux Hyménée, au temple de l'amour, de notre destinée, viens embellir le cours. Eh oui, en plein Hyménée. Bonjour Chouquette, bien dormi la Chouquette, bien reposée. Voilà le bon thé pour la Chouquette. Il aimait tellement la voir boire son thé, à moitié endormi, un peu bébé. Maintenant, si elle était d'attaque, si elle ne voulait pas se rendormir après son thé, on lui proposerait une balade matinale. Dis donc, rien d'ounette, j'ai une idée first class. Il fait un temps magnifique, tu sais ce que je te propose? Tu donnes ta langue au chat? Aujourd'hui, il n'y aura sûrement plus de migraines, et alors, mon cher, les ressorts du sommier vont sauter, ça je te le garantis. Et pourtant, tu sais, elle pourrait m'en vouloir d'être arrivée comme ça sans l'avoir avertie. Mais elle, non, gentille, quand même, ne me faisant pas de reproches, m'interrogeant. Le plus touchant, mon vieux, c'est son idée d'avoir voulu faire déjà un essai en vue du 31 août. La belle robe, les fleurs, la lumière rouge, c'était pour se représenter comme elle arrangerait tout quand j'arriverai le 31 août. Une répétition générale, comme elle a dit. Si c'est pas de l'amour, ça, mon vieux. Qu'est-ce qu'il te faut, alors? Arrivé au deuxième étage, il posa à terre le plateau, frappa doucement, ne s'étonna pas du silence. La pauvrette devait dormir profondément, donc la réveiller avec des ménagements. Sur le front seulement, le baiser. Le plateau reprit à deux mains, il ouvrit lentement en appuyant son coude sur la poignée, annonça le thé, le bon thé pour la Chouquette. Sur le lit non défait, une feuille pliée en quatre. Le plateau lui échappa et le thé se répandit sur le tapis. Il déplia la feuille et de l'urine mouilla le beau pyjama à rayures. Dans le petit salon au volet fermé, assis sur le sofa, il bouclait ses cheveux, les débouclait. Ses fleurs, ses cigarettes, c'était pour le type. Sûrement, oui, les deux sur ce sofa en face de la psyché qui avait tout vu. Pourtant quoi? Elle avait accepté de se marier avec lui, alors pourquoi? Les fortifiants qu'elle achetait pour lui. Et à table, elle lui rappelait d'en prendre, alors pourquoi? Il se leva, sortit, erra dans le vestibule, effleura les revers de l'imperméable pendu, s'arrêta devant le baromètre, l'ausculta. Ils auraient beau temps pour leur voyage. En Italie, peut-être, pays de l'amour. Par un doux Hyménée au temple de l'amour, de notre destinée vient embellir le cours, murmura-t-il en entrant dans la cuisine. Il s'assit devant la table, déplia la lettre, en fit un cornet, le déroula, essaya de l'aplatir, se rappela comme il recouvrait soigneusement ses cahiers de classe lorsqu'il était enfant. Il ne savait pas alors ce qu'il attendait. La bouche entrouverte, il leva la tête, considéra le fil de fer galvanisé tendu d'un mur à l'autre. Parfaitement droit, vraiment bien tendu ce fil de fer. C'était lui qui l'avait tendu. Jamais plus il n'aurait de plaisir à le regarder. Des biscuits devant lui, il en prit deux d'un coup, les mâcha lentement. Cette bouillie dans sa bouche, c'était le malheur. De l'index, il désigna le frigidaire. Ils l'avaient choisi ensemble au début du mariage, un samedi après-midi. En sortant du magasin, elle lui avait pris le bras, d'elle-même, et ils s'étaient promenés bras dessus, bras dessous, mari et femme. Et maintenant avec un autre. Un autre qui pouvait la toucher comme il voulait. Et elle se laissait faire. Et pourtant, elle était toujours sa femme, elle portait toujours son nom. Et un sang de velours dans leur veine. De nouveau, il enroula la lettre en cornet, la déroula, la relut à haute voix. Dimanche matin, 6h. Mon pauvre chéri, j'ai mal à la pensée que tu dors paisiblement sans savoir encore. Toi, si bon, te faire souffrir, c'est affreux. Tout à l'heure, lorsque je l'ai quitté pour revenir ici, c'était pour te parler, pour t'expliquer. Mais lorsque j'ai été devant ta porte, je n'ai pas eu le courage. Pardonne-moi de t'avoir caché la vérité hier soir, j'étais si bouleversé. Lui aussi revenait de voyage et c'était lui que j'attendais lorsque tu es arrivé. Je voudrais t'écrire longuement pour que tu comprennes que je ne peux faire autrement. Mais je lui ai promis d'être de retour très vite car nous prenons un train très tôt, à 9h déjà. Tout à l'heure, en entrant, je me suis arrêté devant ton imperméable pendu dans le corridor. Et il m'a étrangement ému. J'en ai caressé les revers, et puis j'ai vu que le bouton du milieu tenait à peine. Je te l'ai recousu. C'était doux de faire encore quelque chose pour toi. J'ai regardé dans le frigidaire. Il y a tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Fais chauffer ton repas, ne mange pas froid. Reprends ton travail dès demain. Déjeune avec tes collègues. Le soir, ne reste pas seul. Va chez des amis. Et surtout, télégraphie à tes parents de revenir immédiatement. Pardonne-moi, mais j'ai besoin d'être heureuse. Il est l'amour de ma vie. Le premier. Le seul. Je t'écrirai de là-bas. Ariane. Il haussa les sourcils en jugement sévère. Puis ouvrit les robinets du gaz, les referma, déambula, le bras arrondi comme le jour où il s'était promené bras dessous, et c'était elle-même qui lui avait pris le bras spontanément. Il arrondit davantage le bras pour mieux se rappeler, haussa de nouveau les sourcils et alla les pieds traînants avec la dignité justicière des faibles offensés. Mais non, elle ne reviendrait pas. L'autre savait y faire. C'était un amant, il la rendait jalouse, sûrement, tandis que lui, il avait été honnête avec elle. Lui, rien que de l'affection sérieuse, des attentions, elle l'en avait puni. Oui, de l'affection sérieuse, de l'affection de cocu, des attentions de cocu. Il se cura le nez devant la petite glace de Mariette, considéra sa cueillette, en fit une boulette qu'il jeta. Quelle importance, désormais. D'ailleurs, en qualité de cocu, il avait le droit. Monter, ôter ce pantalon mouillé qui lui tenait froid. À Florence, peut-être. Dans le même hôtel, peut-être. L'hôtel de leur voyage de noces près de l'Arnaud. Dans la même chambre, peut-être. Elle se laisserait toucher. Le toucherait sans dégoût. Il haussa les sourcils. Il avait toujours eu tellement confiance en elle. Pourquoi lui écrire de là-bas? Pour lui dire combien de fois ils auraient fait leur saleté depuis leur départ? C'était son imperméable qui l'avait ému. Mais lui, il pouvait crever, elle s'en foutait. Assez, assez! Tout à l'heure, il avait trop chaud. Maintenant, il avait froid. Il passa un manteau sur son pyjama. Oh, le pantalon sécherait vite, pas besoin de le changer. Dans la glace de l'armoire, il se trouva minable avec sa barbe, une tête trop ronde. Une tête de mari. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit, s'empara de l'automatique, lut l'inscription gravée. Fabrique nationale d'armes de guerre. Herstal, Belgique. Il le laissa tomber dans la poche du manteau. Elle avait eu peur. Lorsqu'il le lui avait montré, un matin, au morning tea. Mais c'est indispensable, chérie, quand on habite à la campagne. Alors, elle lui avait recommandé de faire attention, d'être prudent. Elle tenait à lui en ce temps-là. C'était un bon moment, le morning tea, cette tasse qu'il lui apportait au lit. Voilà le thé pour la chouquette. Une fois, quand il lui avait apporté le morning tea, elle lui avait cligné de l'œil, pour rien, pour lui montrer qu'on était amis, qu'on s'entendait bien. Devant l'armoire à glace, les mains jointes, il lui demanda de revenir. Se rappela la chanson d'un vieux disque de papy, en chanta tout bas le refrain, ému par sa supplication. Reviens, veux-tu, car ma souffrance est infinie. Je veux retrouver tout mon bonheur perdu. Reviens. Reviens. Veux-tu monter, prendre un bain. Mais ce fut chez elle qu'il entra, après avoir frappé à la porte. Voilà. C'était la chambre où ils avaient causé ensemble, où il lui avait apporté le thé. Par terre, la robe verte, la théière, les deux tasses, des ficelles, des souliers, et le gros ourson de peluche, les jambes en l'air. Patrice, elle l'appelait. Quelquefois, quand il lui apportait le thé, elle avait Patrice contre elle. Elle avait dormi avec. Debout devant la fenêtre, il manipula sa ficelle. La compliquant, la défaisant, la tourmentant avec des saccades, il regardait tour à tour la route déserte et le ciel désert. 9 heures sonnèrent au premier étage. Le train s'était mis en marche, la lui enlevait pour toujours. Perdu. Il était perdu. Perdu. Perdi, perda, perdo. Murmurait-il en tirant sur sa ficelle, murmurait-il en s'efforçant de rompre sa ficelle. Perdu. Perdi, perda, perdo, murmurait-il sans cesse, car il faut essayer de se divertir lamentablement dans le malheur, affreusement se divertir en tirant sur une ficelle, en prononçant des mots idiots, se divertir pour supporter le malheur, pour continuer à vivre. Grelottant dans son manteau, il vagua toute la journée, montant et descendant les escaliers, entrant dans les chambres, allumant, ouvrant et refermant les tiroirs, se regardant dans les glaces pour n'être pas seul, éteignant, sortant, s'asseyant sur une marche d'escalier pour lire au hasard dans un livre trouvé chez papy, brusquement se relevant, de nouveau déambulant, parfois lui parlant, lui disant bonjour chérie ou bonne nuit chérie, parfois chantonnant, parfois murmurant avec un petit sourire qu'il était le cocu errant. Son pied heurta l'ourson de peluche gisant à terre. Il le ramassa. Viens, on va aller au water, j'ai envie. Il descendit, tenant Patrice par la main, entra dans sa salle de bain. Sur le tabouret laqué blanc, face à la cuvette de faïence, il déposa l'ourson et le livre de papy, pour avoir une compagnie. Il abaissa ensuite le siège en imitation acajou, écarta les pans de son manteau, dénoua la cordelière du pantalon, s'installa. Drôle, ce retard. En général, il était régulier, toujours le matin, juste après le réveil. C'était le choc émotif qui avait dû retarder. En voyage aussi, il se constipait facilement. Tout ce qui était inhabituel, en somme. Oui, faire comme si elle n'avait pas existé, dit-il à l'ourson, et il se leva. Tous rites accomplis, il tira la chaîne, considéra le tumulte de la chasse d'eau et la faïence redevenir blanche et nette. Voilà. Le temps cicatrisait tout. Je m'en sortirai, tu verras. Installé de nouveau, il tira une feuille de papier hygiénique, la plia à fronce parallèle, un fit en éventail, l'agita devant sa joue. Les petits déjeuners du dimanche, ensemble. Elle aimait beaucoup le beurre, les tartines qu'elle pouvait se faire. Et puis, on causait en amis. Il existait alors pour elle. Il était son mari. Je me souviens des jours anciens. Nuit, leur première nuit, mais je pleure. Dans le petit salon qu'elle avait voulu lui montrer, debout devant la fenêtre ouverte sur le jardin. Il se moucha dans du papier hygiénique, puis il tira la chaîne, la tira sans nécessité, cherchant un réconfort dans le fonctionnement parfait de la chasse d'eau. Pas suffisant comme but de vie. Il s'empara du peigne posé sur la planchette de verre, alla se rasseoir sur le siège sans nul besoin. Quand il était petit, si mamie le grondait, il allait au cabinet pour se consoler. Il se leva. Les jambes enchaînées par le pantalon retombé, il alla à petits pas voir dans la glace du lavabo l'enfant qu'il avait été, qu'il reconnut sous le collier de barbe, le Didi de 8 ans, docile et gai, bon élève en classe, qui était entré dans la vie avec espoir, qui ne se doutait pas de ce qu'il attendait, qui s'était donné tant de peine pour les compositions. Il le considéra avec pitié, hocha la tête, lui sourit avec douceur, c'est une douceur de femme. Pauvre petit, dit-il à la glace. Regarda une fois de... Abandonnant son peigne, il sortit le chargeur. 6 balles. La première, tout en haut, on la voyait entièrement. Si petite. Et pourtant, hein ? Dis, chérie. Le chargeur remis en place, il ôta le cran d'arrêt, tira la pièce mobile, lâcha le mécanisme. Voilà, ça y était. La première balle était logée. À la cuisine, le fil de fer bien tendu, tellement droit, agréable à voir. Il avait bien réussi à le tendre. Il aimait le regarder chaque fois qu'il allait à la cuisine. C'était une réussite. Il y tenait. Et voilà. Il fallait le quitter maintenant. Oui, ça y était. La première était dans le canon. Bien dormi, la chouquette? Non, bien joui plutôt. Assez, on s'en foutait de cette femme! Après tout, elle aussi allait au water. La solution, oui, c'était le dehors, la vie réelle, les autres. Sortir, oui. Aller dans une boîte de nuit, aller au Donon, la boîte chic. D'abord, prendre un bain, puis le smoking, puis le taxi et le Donon. Le smoking neuf, celui du dîner au Ritz. Le bain, vite. Il sourit pour avoir de l'optimisme. Il se leva, remonta son pantalon, frappa du pied pour avoir de la vitalité. Oui, le bain, c'est le salut. Dans le bain, il sentit terriblement son malheur. Tout seul, dans cette eau, et se faire propre pour rien, pour personne. C'était pour elle qu'il se lavait autrefois. Tout seul, dans de l'eau, alors que les deux étaient en train de dormir l'un contre l'autre. Peut-être qu'il ne dormait pas. Peut-être qu'il... juste en ce moment... Oui, et pourtant un visage si pur, si enfantin, lorsqu'une histoire de bête fidèle l'enthousiasmait. Est-ce qu'il prenait des précautions? Mais son malheur, il le sentit bien plus, lorsqu'après s'être machinalement savonné les cheveux, il plongea la tête sous l'eau pour les rincer et qu'il y resta plusieurs secondes, oreilles bouchées, comme il avait l'habitude. Aussitôt scellé par Dieu, le travail repris des lèvres et des langues enrageuses. Qu'il était seul dans cette eau, lèvres et langues, dans ce silence. Langage de jeunesse. Il étouffait de malheur sous l'eau, tout seul, entouré d'eau, les yeux ouverts. Il sortit la tête pour respirer, s'immergea de nouveau pour être au fond de l'eau, au fond du malheur. En smoking, le pantalon à gants de soie abaissé sur ses genoux, les fesses nues et une fois de plus trônant sur le siège en imitation acajou, il était penché sur la première photo qu'il avait prise d'elle pendant les fiançailles. Juste avant le déclic, elle lui avait dit qu'elle le regardait en pensant qu'elle l'aimait. La gorge durcie et les yeux secs, le collier de barbe tremblant et les mains froides, il contempla le beau visage qui lui disait son amour. Qui le lui dirait chaque fois qu'il le regarderait? Téléphoner à Kanakis? Le supplier de venir? Ça ne se faisait pas, c'était trop tard. 11 heures du soir, de quoi est-ce qu'il aurait l'air? Et puis à Kanakis, ça lui était bien égal, son malheur. Après un enterrement, tout le monde allait bouffer. Le Donon, oui. Mais rentrer et ne pas la trouver... À qui dire au revoir le matin, à qui bonne nuit le soir. Le soir, quand il s'était quitté de sa chambre à travers le mur, il lui criait pour être encore avec elle, même de loin, il lui criait de nouveau bonne nuit. Plusieurs fois, il lui criait bonne nuit. Dors bien, chérie. Bonne nuit, dors bien. À demain. C'était des cris d'amour, tout ça. Quand il y avait une belle musique à la radio, vite il l'appelait. Il ne pouvait rien écouter de beau si elle n'était pas avec lui pour partager. De nouveau, il se leva, s'embrouillant dans son pantalon de smoking tombé aux chevilles, il alla devant la glace du lavabo, s'y considéra, s'y fit un sourire. Voilà, c'était ça le désespoir, ce sourire tout seul dans une glace. « Qu'est-ce que je dois faire ? » demanda-t-il à la glace. À l'école, les leçons apprises avec tant de soin jusqu'à 11 heures, jusqu'à minuit. « Couche-toi, Didi, il est tard, » disait mamie. Mais il voulait être le premier à la composition de récitation et il rallumait lorsqu'elle était partie. Et le matin, il se levait à 5 heures pour repasser la composition. À quoi bon? sa joie de commencer des cahiers neufs à la rentrée, en octobre. Avec quel soin il inscrivait les titres, avec quel amour. À quoi bon ? Herstal, Belgique. Une fois, au morning tea, elle lui avait cligné de l'œil pour rien, par amitié, pour lui dire qu'on s'entendait bien. Dans la glace, il se cligna de l'œil. Ses paupières étaient vivantes, lui obéissaient. Une fois encore, assis sur le siège, il ôta le cran d'arrêt du Browning, le remit, passa ses doigts dans ses cheveux en sueur, considéra ses doigts, les essuya à la veste du pyjama. Il avait peur. Les gouttes coulaient le long du collier de barbe, venaient se rejoindre sous le menton. Il avait peur. De nouveau, il ôta le cran d'arrêt. Même pour mourir, il fallait faire un geste de vie. Presser la détente. L'index qui pressait la détente, qui bougeait encore une fois afin de ne plus jamais bouger. Oui, voilà. Le tout était que l'index voulut presser. Mais lui, non ! Il était jeune, il avait toute la vie devant lui. Conseiller bientôt, puis directeur de section. Demain, dicter le rapport, se lever maintenant, téléphoner pour un taxi, et puis le donnons, oui, le donnons. Mais d'abord, le mettre un peu contre la tempe, juste pour voir comment c'était quand on s'y décidait. Mais lui, non, pas si bête, il était jeune, il avait toute la vie devant lui. Lui, c'était seulement pour voir. Seulement faire le geste pour se rendre compte, pour voir comment on faisait, oui. C'était comme ça qu'on faisait, le canon contre la tempe. Mais lui, non, son index ne voudrait pas, lui, c'était seulement pour voir. Lui, non, non, très peu pour lui, pas si bête. Bien dormi, bien reposé. Une fois, elle lui avait cligné de l'œil. Elle lui cligna de l'œil et son index voulut. Couche-toi maintenant, il est tard, chuchota une voix à son oreille tandis que lentement il se prosternait. Le front sur le tabouret entre les pattes de l'ourson, il entra dans la chambre chaude de son enfance. Perdu. Il était perdu. Perdu. Perdi, perdin, perdo. Murmurait-il en tirant sur sa ficelle. Murmurait-il en s'efforçant de rompre sa ficelle. Perdu. Perdi, perdin, perdo. Murmurait-il sans cesse, car il faut essayer de se divertir lamentablement dans le malheur. Affreusement se divertir en tirant sur une ficelle, en prononçant des mots idiots. Se divertir pour supporter le malheur. En cet hôtel d'aguet, il ne se souciait que d'eux, et de connaître tout de l'autre, et de se raconter à l'autre entre deux unions effrayamment fréquentes. Nuit semblable, chère fatigue, trêve charmante, et elle laissait courir ses doigts sur l'épaule nue de l'amant pour le remercier ou le charmer, et il fermait les yeux, souriait de délices. Enlacé, ils se reposaient de leurs importants travaux, s'endormaient après de tendres murmures et des commentaires, émergeaient du sommeil pour joindre leurs lèvres, ou se lier mieux l'un à l'autre, ou confusément s'unir, à demi endormis, ou furieusement se connaître, dispos soudain. Ensuite reprenaient le sommeil en symbiose, si doux. Comment ne pas dormir ensemble ? À l'aurore, il la quittait doucement, attentif à ne pas la réveiller, aller chez lui. Parfois, ouvrant les yeux, elle protestait « Ne me quitte pas !» gémissait-elle, mais il s'arrachait au bras qui le retenait, vaguement. La rassurait, lui disait qu'il reviendrait bientôt. Ses départs du matin, c'était parce qu'il ne voulait pas être vu, moins parfait, non rasé et non baigné. C'était aussi parce qu'il avait peur, parce qu'elle irait prendre son bain, d'entendre le grondement préliminaire et terrifiant de la chasse d'eau, tumulte funeste. Rasé et baigné, en robe de chambre, il lui téléphonait, lui demandait s'il pouvait venir. Dans quelques minutes, répondait-elle. Coiffée et baignée, en blanc déshabillé, elle allait ouvrir la fenêtre de la salle de bain pour aérer, refermer la porte, vérifier une dernière fois le visage allumé, l'approuvait, s'enorgueillissait du cerne murmurait-il en s'efforçant de rompre sa ficelle, rectifiait la mèche frontale, lui téléphonait qu'elle était prête. Il entrait et c'était la merveille de se contempler, demi-dieu, en leur robe d'amoureuse prêtrise, poétique et nettoyée. Un des derniers soirs de septembre, comme elle remettait d'autorité une deuxième escalope dans l'assiette de son amant, il baissa les yeux, honteux de ses soins prodigués. Le bouchonnerait-elle tout à l'heure avec un tampon de paille? Lui polirait-elle les sabots? En effet, pensa-t-il depuis quelques jours, elle trouvait du plaisir à lui faire les ongles. Mais l'ayant regardée humble et soumise, qui respectait son silence, il fut ému de tendresse. Elle était sa croyante, qui avait tout quitté pour lui, indifférente au jugement du monde, qui ne vivait que pour lui, qui n'attendait que de lui. Il la vit soudain en son cercueil de plus tard, blanche et dure, et eut mal de pitié. Alors il baisa ses mains qui le servaient, ses mains encore vivantes. À qui dire au revoir le matin, à qui bonne nuit le soir. Un des premiers soirs d'octobre, après le dîner, elle lui parla de musique, jambes haut croisées, puis de peinture, sujet auquel il n'entendait rien et qu'il méprisait, ce qui eut pour conséquence de lui faire faire de grandes approbations chevalines. Convaincue et distraite par le moyen de l'encolure abaissée puis relevée. Se disant lasse, elle éteignit le lustre, recouvrit d'un foulard rouge la lampe de chevet, alla s'étendre sur le lit. Dans la pénombre, les yeux mi-clos, elle le considérait, lui souriait, et soudain, il eut peur de ce sourire. Sourire venu d'un autre monde, monde obscur et puissant, peur de cette femme qui attendait, peur de ses yeux tendres, peur de leur lueur monomane, peur de ce sourire d'un seul vouloir. Étendue, douce et magicienne, elle avait son sourire d'attente dans la diffuse rougeur sombre. Silencieusement l'appelait, aimante, effrayante. Il se leva, alla vers le monde des femmes. Possédée et sous lui, elle l'entourait et le serrait fort de ses bras et de ses cuisses repliées qui le sanglaient aux reins. Et il avait peur d'être ainsi maintenu et harnaché, peur de cet inconnu sous lui en grand égarement magique. Absente d'elle-même, prophétesse en mal sacré d'orgasme, le regardant soudain avec un religieux sourire de folle qui le voulait tout, dangereusement voulait tout de lui, voulait sa force et s'en nourrir, l'aspirait, aimant vampire, voulait le garder dans le monde obscur. Apaisé et revenu au langage, mais toujours le gardant en elle, et en elle le serrant, elle parla tout bas. Aimer, toujours ensemble, toujours nous aimer, c'est ce que je veux, dit-elle, avec son sourire de folle. Et il frissonna, captif d'elle qui le serrait. Son index ne voudrait pas, lui, c'était seulement pour voir. Lui, non, non, très peu pour lui, pas si bête. Bien dormi, bien reposé. Une fois, elle lui avait cligné de l'œil. Elle lui cligna de l'œil et son index voulut. Couche-toi maintenant, il est tard, chuchota une voix à son oreille tandis que lentement il se prosternait. Le front sur le tabouret, entre les pattes de l'ourson, il entra dans la chambre chaude de son enfance. Ce jour-là, après le déjeuner au salon, chacun alla dans sa chambre, s'y dévêtit et s'y prépara. Nue sous une robe de soie blanche, elle termina ses lavages et après divers par des vaporisations de parfums, çà et là, tandis que lui, nu sous sa robe de chambre rouge, brossait honteusement ses ongles. Peu après retentit l'air de Mozart et il frissonna. C'était l'appel. Car elle ne lui téléphonait plus, elle mettait un disque, c'était plus poétique. L'appel, oui, il fallait aller à l'amour. Sa créancière le convoquait, le sommait de lui donner du bonheur. Allons, prouve-moi que j'ai bien fait d'avoir choisi cette vie de solitude avec toi, lui disait-elle par le truchement du vous qui savait ce qu'est amour. 26 novembre, aujourd'hui, 3 mois déjà qu'ils avaient quitté Genève, 3 mois d'amour chimiquement pur. Aguet d'abord, puis Venise, Florence, Pise, puis Aguet de nouveau depuis une semaine. Si elle s'apercevait qu'on était le 26 novembre, danger de commémoration du 26 août par épanchement poétique et coït superfin. Il posa la brosse et le savon, se considéra rasé de près, et que rang de propreté dans cette robe de chambre. Voilà, c'était sa vie désormais. Être chaque jour désirable, faire la roue sexuelle. Elle l'avait changé en pan. En somme, il menait une existence animale, elle et lui. Mais les bêtes, au moins, n'avaient qu'une saison pour la pariade et les coquetteries. Eux, c'était tout le temps. Se lessiver sans arrêt, se raser 2 fois par jour, être tout le temps beau, c'était son but de vie depuis 3 mois. « Oui, oui, d'accord, je viens, j'arrive, » dit-il, à l'air de Mozart, bissé comme de juste. 2 heures. Il faisait un vent aigre dehors. Par conséquent, condamné à la chambre d'amour. Que faire jusqu'à l'heure du dîner? Quoi inventer? Les scènes de ces jours derniers avaient mis de l'animation, avaient fait passe-temps. Mais elle en avait trop souffert. Il fallait trouver autre chose. Et voilà, il était le responsable, le capitaine de la caravelle. Pensait-il cependant qu'elle lisait ce roman français, intelligent et maigre, s'appliquant à bien articuler, soignant les dialogues, variant les intonations, prenant un ridicule ton viril lorsque c'était le héros qui parlait, touchante de vouloir la perfection, agaçante. Oui, oui, le responsable qui devait chaque jour mettre en scène l'interminable farce d'amour, chaque jour inventer des péripéties de bonheur. Et le pire, c'était qu'il chérissait cette malheureuse. Mais ils étaient seuls, et ils n'avaient que leur amour pour leur tenir compagnie. Il vint s'asseoir en face d'elle, commenta sans verve leur roman, vit bientôt dans les yeux de sa maîtresse le petit malheur gentil et souriant des femmes bien élevées qui ne savent pas qu'elles s'ennuient. Il se tut. Certes, elle l'adorait toujours, mais combien son inconscient s'empêtait en leur merveilleuse passion. Lui, il ne s'ennuyait pas parce qu'il avait un terrible passe-temps. Il assistait au lent naufrage de la caravelle. Il la regarda pour provoquer une question. « À quoi pensez-vous aimer ?» sourit-elle. « Je pense que je m'ennuie, » dit-il. « Ajouter avec vous ?»« Non, inutile. » Elle devint blanche. C'était la première fois qu'il lui disait cela. Pour compléter son travail, il entreprit la fabrication d'un bâillement réprimé et d'autant plus significatif, sur quoi elle éclata en sanglots. Alors il haussa les épaules et sortit. Oui, oui, désormais la divertir à fond, l'embrouiller. Dès demain, aller à Cannes, la bourrer de substituts du social, lui acheter des robes chères, des robes de haute couture, puis déjeuner au Moscou. Le caviar et le champagne étaient aussi des substituts du social. Pendant le déjeuner au Moscou, commenter les robes achetées, puis lui acheter des bijoux. Puis théâtre ou cinéma, puis roulette au casino, puis faire du cheval ou du canot automobile. Ainsi, pensait-il, tandis que ses lèvres torturaient les lèvres de l'innocente. Et voyage aussi, des croisières. Tous les pauvres bonheurs que je pourrais, pensait-il, pendant l'interminable baiser. Oui, tout ce qu'ils pourraient pour lui cacher leur lèpre, ils le feraient. Ils le lui promettaient en son âme. Oui, tout ce qu'ils pourraient, tout, pour fleurir le désert de leur amour. Ils le lui promettaient en son âme, ses lèvres collées aux lèvres de celle qu'il voulait protéger. Mais jusqu'à quand le pourrait-il, pourvu que je sois toujours seul à être malheureux, pensa-t-il. Déshabille-moi, dit-elle. J'aime que tu me déshabilles. Mais allume. J'aime que tu me vois. Il alluma. Il déshabilla. Il vit. Oui, la prendre, lui donner le petit bonheur d'être prise. Le pitoyable bonheur qu'un lépreux pouvait encore donner à sa lépreuse, pensait-il, son beau visage au-dessus du beau visage exalté de la souriante malheureuse. Ah, oh, dans quoi l'avait-il embarqué? Ma petite fille, mon enfant, lui disait-il en son âme, tandis que tristement, il la maniait comme une femme. Albert Cohen. Belle du Seigneur. Les anges paléolithiques. Une série d'émissions de Françoise Esteb et Jean Couturier. Avec Albert Cohen. Claude Rich interprétait le rôle de Solal et Colette Berger le rôle d'Ariane. Daniel de Schepper, Adrien Deum. Prise de son et mixage, Robert Pierrel. Assistant de production, Bruno Sourcy. Réalisation, Françoise Esteb, Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 août 1982. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, troisième volet de la série, Albert Cohen, Belle du Seigneur, l'iconoclaste. D'ici là, vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger les deux premières émissions de la série sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture, et vous replonger dans le Quarto Gallimard, Solal, Mangeclou, Les Valeureux et Belle du Seigneur.